Sharia, démocratie, justice et loi forgée. Celui qui abolit une seule loi d'Allah est un mécréant à l'unanimité des musulmans. L'imam Ishaq ibn Rahawi rahimahullah a dit: les musulmans sont unanimes pour dire que celui qui insulte Allah insulte son messager, abolit quoi que ce soit qu'Allah a révélé, ou tue l'un des prophètes d'Allah est un mécréant, même s'il confirme tout ce qu'Allah a révélé. Source mentionnée par Ibn Taymiyyah rahimahullah dans As-Sirim al-Masloul 2.15. Il est indispensable de détester ceux qui facilitent le jugement à une autre loi que celle d'Allah. Mohamed Ben Brahim a dit: le jugement d'Allah concernant celui qui juge avec autre loi que la sienne et qu'il est un mécréant, un pervers et quelqu'un au comportement des hypocrites et des gens de la Jahiliyyah. Soyez sur vos gardes, ô musulmans, de ce dont Allah vous a mis en garde. Jugez avec sa loi dans toutes choses. Faites attention à ce qui va à l'encontre de sa loi. Et recommandez-vous cela les uns aux autres. Prenez en inimitié et haïssez ceux et haïssez celui qui dénigre, se moque et facilite le jugement avec autre loi que celle d'Allah, afin que vous soyez honorés par Allah, que vous soyez épargnés de la punition d'Allah et que vous accomplissiez ce qu'Allah vous a ordonné dans le ralliement à ses alliés, ceux qui jugent d'après sa loi et qui sont satisfaits d'elle. Allah est celui qu'on invoque afin qu'il nous guide au droit chemin et qu'il nous protège de la ressemblance aux mécréants et aux hypocrites et qu'il donne la victoire à sa religion et qu'il abandonne ses ennemis. Car il est capable de toutes choses. Prière et salut sur Mohammed, sa famille, ses compagnons jusqu'au jour dernier. Source, Fatawa du Cheikh Mohammed Ben Brahim, numéro 12, 256. L'injustice, la perversité et la mécréance de celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah sont tous les trois une mécréance qui fait sortir de l'islam. Mohamed al-Amin al-Shanqati rahmahullah a dit: celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, se détournant et contredisant le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et annulant les lois d'Allah, alors son injustice, sa perversité et sa mécréance sont tous une mécréance qui le fait sortir de la religion. Source, Adwa al-Bayan 2, numéro 104. Ahmed Shakir expose la vérité sur les gouverneurs arabes. Ahmed Shakir a dit: quiconque juge avec une autre loi que celle révélée par Allah, volontairement tout en sachant que la loi en question n'est pas islamique, est un mécréant. Qu'il l'a nommée loi des gens du livre ou loi faite par les humains, tout ceci est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Qu'Allah nous protège de ceci. Source, commentaire, Mousnad de l'imam Ahmed, 14, numéro 180-184. Ahmed Shakir a dit: et vous, vous gouvernez avec des lois qui n'ont aucun lien avec l'islam et qui au contraire s'y opposent et le contredisent, et je n'exagère pas en disant qu'en fait ces lois se rapprochent plus de la version moderne du christianisme que de l'islam. Ces législations sont sur le point d'imprégner tous les individus d'une empreinte non islamique et leurs fondements se sont introduits chez les gens qui en furent abreuvés au point de les éloigner de leur religion. Et les règles islamiques ont été alors ignorées et dénigrées. Si des lois gouvernent ou dirigent durant de nombreuses années les membres d'une nation, leur cœur s'en imprègne obligatoirement. Ces lois étrangères ont eu la pire influence sur la Oumma. Source, les sources de la législation doivent être Kitab et la Sunna en Égypte. Résumé d'un passage de la page 21. Ahmed Shakir a dit: le cas de ces lois humaines est aussi clair que le soleil. C'est une mécréance flagrante sans aucune subtilité et sans aucune discussion. Et il n'y a aucune excuse acceptable pour celui qui se prétend musulman, qui qu'il soit, s'il pratique ces lois, ou s'y soumet, ou les accepte. Source, Hamdat al-Tafsir, 4, numéro 174. Celui qui prétend croire en Allah, tout en jugeant avec une loi autre que la sienne, est un hypocrite. Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, a dit concernant le verset dans lequel Allah a dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Celui qui prétend croire en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tout en jugeant avec une loi autre que celle de l'islam, est un menteur, un hypocrite et un égaré du droit chemin. Source, Ad-Durar Saniya, 10, 506-507. Quiconque délaisse une partie de la législation d'Allah aura délaissé l'islam. Ibn Hazm, rahimahullah, dit dans Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam 2, 144-145. En ce qui concerne celui qui pense qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un a le droit d'annuler ou d'abroger un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'innover une loi qui n'existait pas pendant sa vie. Celui-là a mécru et commis le grand polythéisme. Son sang et ses biens sont licites. Et il fait partie des idolâtres, car il renie les paroles dans lesquelles Allah a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et je suis satisfait que l'islam soit votre religion. » Alors, quiconque affirme que quelque chose a changé après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là cherche avec cela une autre religion que l'islam. Car les adorations, prescriptions, interdictions, autorisations et obligations qui étaient présentes à son époque sont l'islam avec lequel Allah est satisfait. Et ce ne sont pas d'autres choses en dehors de celles-ci qui sont l'islam. De ce fait, quiconque délaisse une partie d'elle aura délaissé l'islam. Celui qui pense que quelqu'un a le droit de légiférer une loi générale à suivre est un mécréant. Ibn Hazm, rahmahullah, a dit « S'il croit qu'après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un a le droit d'interdire quelque chose qui était permis jusqu'au moment de sa mort, ou de rendre licite quelque chose qui était interdit jusqu'au moment de sa mort, ou de rendre obligatoire une peine qui n'était pas obligatoire jusqu'au moment de sa mort, ou de légiférer une loi qui n'existait pas pendant qu'il était vivant, alors celui-là est un mécréant polythéiste, son sang et sa vie sont licites, et son jugement est le jugement de l'apostat. » Source, Al-Ihkam, fil Usul al-Ahkam, 1, 173. Il est obligatoire aux musulmans de récupérer les états dans lesquels la loi d'Allah était appliquée. Ibn al-Qayyim, rahmahullah, a dit « Quant à l'état islamique qui retourne à la loi pré-islamique, il devient obligatoire aux musulmans de réinstaurer l'état islamique. » I'lam al-muwaqi'in annallahu rabbil alamin. Le verset qui expose la mécréance du juge et de celui qui recourt à son jugement. Sulayman ibn Sahman, rahmahullah, a dit dans son commentaire du verset « Ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah sont les mécréants. » Et cela expose la mécréance du juge en personne, ainsi que de ceux qui recourent à son jugement. De même que de celui qui ne croit pas en l'obligation de juger d'après la loi d'Allah, même si lui-même n'est pas juge et ne demande le jugement. Source Ad-Daras al-Niyya 10, 504-505. Prendre pour juge une autre législation que celle d'Allah signifie en réalité prendre pour juge une autre religion que celle d'Allah. Allah dit, Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Youssouf. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. À moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Sourate 12, verset 76. Il y a un consensus des salafs rapporté par Tabari, rahmahullah, que le sens de la justice dans ce verset est religion. De ce fait, une loi est une religion. La loi d'Allah est l'islam. Et la loi d'un autre est la religion d'un autre. C'est la raison pour laquelle nous disons que quiconque impose une autre législation que celle d'Allah aura en réalité imposé une autre religion que celle d'Allah. Quiconque appelle les gens à suivre, obéir et prendre pour juge une autre législation que celle d'Allah aura en réalité appelé les gens à suivre, obéir et prendre pour juge une autre religion que celle d'Allah. Quiconque règle les litiges d'après une autre législation que celle d'Allah aura en réalité réglé les litiges d'après une autre religion que celle d'Allah. Quiconque prend pour juge une autre législation que celle d'Allah aura en réalité pris pour juge une autre religion que celle d'Allah. Il n'y a pas de doute que tous ces gens-là ne sont pas musulmans. Allah a dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, Allah est prompt à demander compte. Sourate 3, verset 19. Allah a dit, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 85. Ibn Kathir, rahmahullah, a dit, la meilleure façon d'expliquer le Coran, c'est avec le Coran lui-même. Pourtant, à notre époque, les gens délaissent les versets clairs sur le jugement pour prendre les interprétations des créatures qui les contredisent. Même lorsqu'Allah affirme une chose en jurant par lui-même, ils vont jusqu'à contredire Allah avec les paroles des créatures. Le jugement de celui qui insulte le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Muhammad,